Salut à tous et bienvenue pour un nouveau numéro du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Karim ou Karimo. Peu importe, Karim, Karimo, j'ai pas encore véritablement de nom de scène. D'accord, donc tu es un humoriste de Nice même? Ouais, c'est ça. Ok, et donc tu avais une galère assez régulière à nous raconter en fait. Ouais, en fait c'est que je kiffe monter sur scène, mais y a un truc qui me fait réfléchir à chaque fois, c'est le stress. Et ça, j'ai énormément de mal à gérer ce stress, quoi. Ça commence en fait quand je joue par exemple une scène le soir, je commence à stresser la veille, si tu veux, dans mon lit, à me dire comment ça va se passer, est-ce que j'ai peur du trou, voilà. Et ce qui est drôle aussi, c'est que je travaille dans un magasin de la grande distribution, tu vois, et je suis vendeur. Et en fait, j'ai un contact avec les clients qui viennent de me demander des renseignements. Et à chaque fois, tu vois, comme je suis stressé, je suis pas. Ça se ressent dans ton travail, quoi. Exactement, je suis à côté de la plaque. Quand on me demande des renseignements, je réponds n'importe quoi et ça se voit, quoi, ça se ressent, tu vois. Et je suis en stress, donc ça prend le pas et ça prend le dessus et c'est compliqué pour moi. D'accord. Et alors, j'ai entendu qu'apparemment, tu stressais tellement sur certaines scènes qu'il pouvait t'arriver de demander à quelqu'un de passer à ta place. Ouais, c'est pas faux. En fait, j'ai réfléchi plusieurs fois à quelques scènes ouvertes, à regarder les issues de sortie, tu vois, les issues de secours pour pouvoir m'échapper, pour dire il est pas là en fait le mec. Mais après, personnellement, une fois que t'es sur scène, on prend du kiff et du coup on se dit ouais, ben on a bien fait d'être là et on a bien fait de pas demander à quelqu'un de nous remplacer ou de prendre la fuite, quoi. C'est ça. Ben écoute, de toute façon, on est tous soumis au stress et on le gère de façon différente. Ouais. En tout cas, merci beaucoup Karimo pour ton anecdote. Hein. Voilà, on est tous dans la même situation, je pense, et on l'appréhende de façon différente. Voilà. Où est-ce qu'on peut te retrouver, peut-être sur les réseaux sociaux? Je vais faire un Facebook que j'ai pas fait. Ça fait des mois que je dois le faire, mais ouais. On pourra me retrouver sur un Facebook genre page perso artiste, je sais pas comment on peut appeler ça, mais ce sera Karimo certainement ou Karim K. Voilà. Karim K, ouais. Ou Karimo. Voilà, d'accord. Exactement. Donc, cherchez les deux, hein, et puis vous verrez bien si jamais vous tombez sur quelque chose. Si vous tombez sur un mec qui donne des renseignements chelous aux clients, c'est que c'est le bon. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup à toi. Merci et puis toi. Voilà, merci à vous d'avoir écouté ce podcast. Et puis on se retrouve très bientôt pour un prochain numéro. Bis à tous, même à toi là-bas.